trop sûr. Les cons qui changent pas d'avis, je veux le voir pour le croire. Mister Renard a retourné son blouson noir pour avoir des amis. Ils craignent d'être seuls et saignent pour qu'on les voie se plaindre de combats pour lesquels ils se battaient autrefois. Les battants et les battus, les pitures et les idées claires. Ceux qui font rien pour plaire et ceux qui jouent les matchs vus. Certains se détruisent ne voyant pas à quel point la vie est chère. Et lui qui achète le corps de cette fille qui a tout perdu. Mais la vie leur a trop fait de mal, le cœur atrophié. Atroce vie aux voies de l'argent et tout ça sans faire de profit. Mais la route était truffée d'embûches et ça va trop vite. C'est pas en attisant les flammes que tu pourras finir au frais. Prêt à tout pour voir un regard qui pourrait l'aider, le réconforter ou le chérir. Mais les gens qui passent ne voient pas que son âme est blessée. Y aura-t-il quelqu'un pour le guérir? Appelle-moi Torero, moi c'est dans l'arène, j'aime pas les faux héros. L'ivresse des tours m'entraîne, avec la tise on danse le boléro. La colère gronde, car j'ai tendance à tirer mauvaise pioche. La colle est con, quand on ressort, connaît trop ses torts. Étrange, atroce climat, mélange d'alcool bizarre. Sac et sale, gnôle, vina, sucré, sale et sot, pinard. Je te raconte ça car je pourrais pas changer sans le vivre. J'ai compris qu'il y a pas dans mes cauchemars, je pouvais danser dans le vide. Et j'en ai marre de courir dans les ronces, ne connaître que l'errance. La résine sous les ondes, je suis sans repère, les gens sans tolérance. Non, et peu m'importe, j'avance quand même en scred. Pour trouver la ligne droite, j'amorce, après j'embraye. Tous les jours j'essaie, je saigne et sue à la recherche de pensées saines. Coup pour coup j'assène ma haine et lutte pour que mes démons cèdent. Cette vie est dure, en vrai je rempile, j'ai la figure enflée. J'ai pris la plume en fait, en fuite et l'habitude en tête. C'est la merde, tu t'es jeté dans l'arène. Désormais le temps s'arrête, combattre à main nue c'est la règle. Érodé, t'as vu la terre, défier la mer, t'as dérobé. T'as pris la verse, t'es sonné, tu croyais t'en délivrer. C'est la verse, c'est la merde, tu t'es jeté dans l'arène. Désormais le temps s'arrête, combattre à main nue c'est la règle. Érodé, t'as vu la terre, défier la mer, t'as dérobé. T'as pris la verse, t'es sonné, tu croyais t'en délivrer. Mais c'est l'inverse. On prend tous de la bouteille, regarde à toi. Si elle te prend, tu persévères, dingue d'elle. Mais quand tu persédais, elle a noyé tes paupières. En vérité, l'autre vie était prunelle, ni blonde ni brune. Mais elle a fini par brûler tes ailes. Je l'ai vu s'écouler en méandre. 1er janvier au 31 décembre, in the street, tu bailles les way pour elle. Tu veux briller à ses côtés, grosse caisse et billets. La récompense sera le bout de la demoiselle. Il n'y a qu'un point entre dur et tendre, plus difficile à atteindre. On a coffré quelques cocktails, ce soir c'est la hesse. On se met off, full of bull, ramène Polyakov. Sauf dans le flash, mets de l'essence, le cocktail sera mollo. Ça fait boum, effet par choc, semi-remorque in your face. Les sens en éveil, on fonce, déterminé, rien ne nous arrête. Je demande pardon à ce qu'on offense avant qu'il soit trop tard. Hey, arrête les bitch, fais divers, outrage et billeté. On s'est réfugiés dans l'alcool comme des pantins qui dansent. Leur plaie qui pensent que toutes leurs forces sont décuplées. Au début c'était pour le plaisir, tu te sens beau et fort. Après c'est dans une bouteille vide qu'on trouve sang et confort. On est tombé dans une routine qui fait qu'on est addict au plaisir de faire la fête noyé dans les abysses. Ici n'oubliez pas que la pipe ne fait pas le roi. Comme la bêtise ne fait pas de moi un pitre. J'ai vu des potes à moi se confier parce que plus de solution. Entre l'alcool, le shit, la coke, ça fait trop de résolution à tenir, alors ils s'échappent et font la révolution. Car trop d'alcool dans son peut nuire à notre évolution. On boit pour oublier que la vie ne fait pas cadeau. Et on croise les doigts, sortis le bois pour fuir tous ces salauds qui veulent nous faire la peau pour des broutilles ingrates. Et te casse la tête quand tu fumes sur ton bout de chien. Frérot, c'est la merde, tu t'es jeté dans l'arène. Désormais le temps s'arrête, combattre à main nue c'est la règle. Érodé, t'as vu la terre, défier la mer, t'as dérobé. T'as pris la mais t'es sonné, tu croyais t'en délivrer. Mais c'est la merde, c'est la merde, tu t'es jeté dans l'arène. Désormais le temps s'arrête, combattre à main nue c'est la règle. Érodé, t'as fui la terre, défier la merde, t'as dérobé. T'as pris la verse, mais t'es sonné, tu croyais t'en délivrer. Mais c'est la merde, j'ai besoin d'air pur. Je me noie dans cette amertume. Le mal perdure quand je le repousse et j'oublie tout quand ma tête tourne. Pour faire court, je me bute à la tise et ses fausses vertus. On me dit stopper, c'est cause perdue. Crois-moi, non, je vais rien faire pour. Tu sais qu'on t'aime, cousin. J'ai rien de fou, rassurez-vous, j'ai pas de sous. Mais le train est en marche, je me jetterai pas dessous. Mais parle-nous, tes potos sont pas des sous. Compte pas sur moi pour te dire tout. Ouais, je le ferai pas à moins d'être sous. J'ai tellement de choses à faire, frère. J'ai tellement de choses à faire, faudrait que je retrouve la terre ferme. J'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. J'ai tellement de choses à faire, faut que je retrouve la terre ferme. J'ai tellement de choses à faire, frère, mais je me sens vide. Je m'enivre avec mes semblables, c'est comme ça que je me sens vivre. J'écris ça dans le vide, sur le moment t'as tapé dans le mille. Un petit homme qui court après ses rêves dans un champ. Encore une soirée où je rentrerai pas, je vois plus le jour, je vis la nuit. Je prends des bars, car dans les bars, moi je suis scotché au William B. Il est minuit, j'empile les verres par dizaines. Un seul, c'est ce que je me disais. Une fois dans le mal, le plus temps de fuir. Et quand y'a plus temps de bif, je suis sur une glissante piste. Je me lève et là, je repars pire qu'un unijambiste. Et si je titube que j'arrive plus à trouver l'équilibre, petit, c'est que j'arrive plus à combler mes crédits. Ouais, la vie m'a bouffé. Tu crois sortir la tête de l'eau en fait. T'es toujours en train d'étouffer. J'essaie de pas me laisser faire, ça devient carrément dur. J'avais mes frères, je les vois quasiment plus. Personne m'écoute, donc on m'épaule, c'est rare. Une âme en peine qui a beaucoup de choses à vous dire. Comme quand Kimaï écrit ses rap. Ma haine est viscérale et dans la nuit mon cri fait rage. Pourtant je dormirai seul dans la ruelle des misérables. C'est la merde, tu t'es jeté dans l'arène. Désormais le temps s'arrête, combattre à Manu c'est la règle. Érodé, t'as vu la terre, défier la mer, t'as dérobé. T'as pris l'affaire, t'es sonné, tu croyais t'en délivrer. C'est la merde, c'est la merde, tu t'es jeté dans l'arène. Désormais le temps s'arrête, combattre à Manu c'est la règle. Érodé, t'as vu la terre, défier la mer, t'as dérobé. T'as pris l'affaire, t'es sonné, tu croyais t'en délivrer. C'est l'inverse. Ce son c'est pour toi qui trouve le réconfort dans la haine et qui dans l'alcool noie sa peine. Te demande pas pourquoi tes sentiments sont à la traîne. Même s'il y a du monde autour, tu restes seul dans l'arène.